vendredi 31 mars. Bienvenue à l'émission Les Différences sur les ondes de CKRL au 89.1. Non, vous n'avez pas changé d'animatrice ce matin. C'est toujours Mélanie Fleurant avec vous, avec une petite voix, une voix un peu d'un préadolescent qui commence à muer. Et c'est pas grave parce que j'ai 4 super invités ce matin. Donc, je vais laisser un peu plus même la parole encore à mes invités. Donc, ce matin, le sujet, on parle de violence conjugale faite aux femmes. Ben, la violence faite aux femmes, et surtout dans un contexte de vie conjugale, la vie de couple. Je souhaite mettre en lumière ce matin avec les différents types de violence. Donc, combien il y en a? Ben, il y en a 5. Il y a 5 types de violence, mais la plus médiatisée, c'est la violence physique. Donc, avec mes invités ce matin, j'ai Marie-Josée... Attendez, je vais commencer pour toutes vous démêler. J'ai Marie-Hélène Arsenault, Chantal Brazeau, Louison de la Maison Marie-Rollet, ainsi que Marie-Josée Morin de la Maison des Femmes de Québec. Bonjour, mesdames. Bonjour. 4 dames. Merci d'avoir accepté de venir parler ce matin. Vous, pour la plupart, vous êtes intervenante. Chantal, toi, tu es... Une ancienne hébergée, on peut le dire comme ça. Oui. Merci de ton témoignage aussi que tu vas amener, mais tu t'impliques aussi au niveau de la Maison Marie-Rollet. Un petit peu, oui, effectivement. Moi, je suis passée à la Maison Marie-Rollet il y a une douzaine d'années et j'ai été recrutée, donc je suis sur le CA, sur le conseil d'administration de la maison depuis 9 ans. Suite à mon passage à la maison aussi, je suis passée par les appartements de deuxième étape, donc ce qu'on appelle l'intérêt pendant 2 ans. Et aussi, je suis donc sur le comité là, d'organisation des activités de l'intérêt depuis 2 ans aussi. Est-ce qu'on peut commencer? Je ne sais pas qui veut prendre la parole de vous quatre. J'aimerais qu'on explique qu'est-ce que c'est que les cinq types de violence. Parce que c'est assez méconnu. Par exemple, j'en ai parlé un peu hier sur ma page Facebook. Là, je les ai énumérés, mais j'aimerais vous entendre pour les expliquer qu'est-ce que c'est. Oh, je peux bien commencer et mes collègues pourront poursuivre. C'est sûr qu'en fait, ce qu'on reconnaît le plus, c'est la forme de violence, donc plus physique. Et qui, malheureusement, c'est une des seules formes de violence pour lequel on peut porter plainte. Donc, une femme peut porter plainte. Ça, c'est important, ça. Ouais, c'est la seule. Ouais. Puis c'est la seule aussi qu'on a les statistiques aussi. Oui, c'est sûr que quand on parle peut-être par rapport à psychologique, c'est sûr que si je menace de voie de fait ou menace de mort, on n'est pas dans un geste, mais quand même, il reste que ça peut être un motif là pour porter plainte. Ça, là, c'est peut-être une petite exception. Mais ça prend une menace. Oui, une menace. C'est ça. Puis même la violence psychologique, oui. C'est assez sournois. Bien, violence psychologique, c'est extrêmement sournois. Je veux dire, tu sais, quand une femme rencontre... Un homme, bon, il y a la lune de miel, c'est le coup de foudre, les premiers temps, je veux dire, c'est pas... Souvent, les femmes se sentent coupables de dire comment ça se fait que j'ai rencontré un homme comme ça, comment ça se fait que je me suis laissée embarquer. Mais ce que je dis souvent, c'est que c'est les hommes ont pas une cloche dans les... Les hommes qui ont des comportements violents ont pas une cloche dans le cou, là. Non, parce que ça serait facile, là. Hein? Donc, tu sais, je veux dire... Ils tissent leur toile, là, quand même tranquillement. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Ben, c'est ça. Donc, le temps d'installer, comme on dit, une relation, là, sécurisante, là, pour la femme, là. Donc, on parle de violences psychologiques et verbales, souvent qui sont quand même, verbal, là, résumé, est-ce qu'on pourrait dire, on y va pas mal avec les animaux de la ferme, bien souvent? Ben, c'est des insultes, mais c'est des insultes qui dénigrent. C'est rare que ça va pas ensemble. Ouais, parce que on peut insulter quelqu'un, tu sais, qu'on connaît comme ça, puis ça a moins d'impact. Mais quand on insulte son conjoint ou sa conjointe, plutôt dans notre cas ici, mais ça a un impact qui est très différent parce que ça s'inscrit dans une relation amoureuse. Donc, ça vient vraiment mêler les femmes. Ils m'aiment, mais en même temps, ils me traitent mal. Ouais. Fait que ça crée toute une confusion qui fait que les femmes sont plus capables nécessairement d'être centrées sur elles et de savoir la différence entre l'amour et la maltraitance. Puis tu parles de manipulation, mais la manipulation va pas sans le contrôle. Mm-hmm. Il y a excessivement de contrôle qui est exercé sur ces femmes-là pour différentes raisons. Du contrôle économique, on va parler peut-être un petit peu plus de violence économique aussi, du contrôle par rapport aux enfants, du contrôle par rapport au travail, aux fréquentations qu'elle peut avoir, ça va être de la violence sociale. Isoler quelqu'un, ben ça sert à mieux le contrôler. Absolument. La violence sociale, ça c'est quoi? C'est isoler quelqu'un. Okay, c'est isoler, oui, ça peut, dans le fond, c'est comme comme une forme de psychologie. Dire, c'est ça, psychologique. Ben, c'est comme, ça s'adapte avec toutes les types de violence. Ça vise à priver quelqu'un de ses ressources positives, si on peut dire. C'est-à-dire que sa famille, ses amis deviennent soudainement, aux yeux du conjoint, des gens qui peuvent être menaçants pour la relation, parce que les gens qu'on aime, tu sais, comme moi, j'ai connu Chantal, ils vont dire à Chantal, voyons, Marie-Hélène, elle est donc bien bizarre de penser ça de même, puis t'es-tu sûre que c'est vraiment une amie pour toi? Puis si tu m'aimes, ben tu vas arrêter de la voir parce qu'elle est comme pas d'accord avec notre relation, puis moi, tu sais, tu choisis là, à un moment donné, entre moi puis elle. C'est clair, mais c'est pas toujours aussi clair que ça. Là je caricature un peu. Oui, parce que ça peut être aussi... J'aimerais ça ce matin, si au bout de la ligne, s'il y a des femmes qui nous entendent, et même aussi des hommes, parce que des fois, les femmes peuvent aussi faire de ce type de violence-là, de la violence psychologique, même financière, ça peut arriver, c'est plus rare. Mm-hmm. Mais par contre, si au bout de la ligne, au bout d'une heure, on peut avoir sensibilisé au moins une personne, ben ce sera déjà ça de fait, que la personne puisse faire de l'introspection. On parle, c'est ça, là, on vient de donner un exemple de comment exclure, mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être, je vais t'amener juste dans ma gang d'amis aussi. Mm-hmm. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est pas toujours d'exclure directement, c'est pas clair. Non, effectivement. Je vois Chantal réagir. Oui, c'est sûr. Quand j'écoute Marie-Hélène, c'est sûr que, je veux dire, d'un point de vue externe, une fois que tu es sortie de la relation, une fois que tu as le temps de l'analyser à froid, sans être pris dans ses émotions, parce que là, on parle de violence qui est très catégorisée, il y a cinq types de violence, mais quand on est dedans, je veux dire, tout se mêle, là. C'est un tout, c'est difficile de voir qu'est-ce qui se passe, puis ça s'installe effectivement tranquillement à travers le reste, puis dans la logique du couple, je veux dire, ces réactions-là deviennent normales, effectivement. Tu en viens à trouver ça correct de laisser tomber certaines amies parce que, si ton chum te dit, il a vu des choses que toi, tu vois pas, ben c'est correct, tant mieux, il t'aime. Donc, il t'empêche de te retrouver dans des situations qui ont pas d'allure avec ces amis-là, mais tu te retrouves, c'est ça, avec le recul, après la relation, là, oui, je suis capable de dire, ça avait pas de bon sens de me dire de pas aller au mariage de ma chum. Mm-hmm. C'est sûr. OK, elle était peut-être pas fine, elle avait fait des choses. Mais avec le recul, tu dis non. C'est que le problème, c'est que toute ta vie en tant que conjointe devient centrée sur les repères de monsieur. Mm-hmm. Ouais, ben toi, c'est tu deviens complètement décentrée de toi-même. J'ai plein de femmes qui arrivent à la maison d'hébergement qui savent même plus c'est quoi leur couleur préférée. Parce que c'est pas permis d'aimer le bleu. Le bleu, c'est pour, je c'est sais pas quelle est la lettre de monsieur. Non, c'est ça. Fait c'est ça. Ouais, ouais. On devient complètement centré sur l'univers de monsieur, puis on se perd là-dedans. Ben, ça me fait penser aussi à des histoires que j'ai entendues où est-ce que c'était justement toujours autour de la vie de monsieur, c'est-à-dire la famille. Mm-hmm. La famille de la fille, on n'est même plus là, on va même plus là, on va que faire, admettons, toutes les fins de semaine du côté de monsieur, tout le temps. Puis, comme Marie-Hélène disait aussi, effectivement, c'est que t'en viens centrer sur les besoins du conjoint. Donc, il y a une forme de dépersonnalisation là, de la part chez les femmes. Puis, effectivement, elles sont très, très à l'affût du conjoint, des signaux, des besoins. Donc, effectivement, que quand elles arrivent en maison d'hébergement, en état de survie, là, c'est tout un travail de se recentrer sur soi. Donc là, on a parlé de la violence psychologique. La financière, est-ce que... Financière... On On entend beaucoup, je veux dire, les femmes qui arrivent en hébergement ou à l'externe, tu sais, qui n'ont plus de nom, ils ont plus de crédit parce que soit qu'elles ont été forcées ou par la bande à s'endetter. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que les femmes qui sont en situation d'union de fait, donc vont payer l'épicerie, vont payer les choses pour les enfants, la déco, tout ça, arrive et c'est pas elles qui sont sur l'hypothèque ou la voiture, donc elles arrivent avec quasiment rien là. Ben là, les petites dépenses à son nom, souvent. Dépenses qui sont pas... encore, parce qu'il y en a qui sont complètement coupées peut-être. Si j'y vais par expérience aussi au niveau de la violence financière, c'est qu'on va, on parlait de contrôle tout à l'heure, c'est sûr que ça complète, moi je trouve que ça complète le contrôle que tu peux avoir de la part d'un conjoint, parce que t'as beau comprendre la situation où tu es, t'as beau voir des situations, t'sais, voir ce qui marche pas chez vous, je veux dire, si t'as pas les ressources financières pour dire je vais avoir à payer un appartement tout seul, je vais avoir à me payer une voiture, je vais avoir à payer toutes ces dépenses-là. Souvent, il y a des enfants aussi qui sont impliqués dans le lot. Là, on se retrouve, c'est vraiment une perte difficile à assumer là, pour essayer de reprendre le contrôle sur ta vie. Cette finance-là, c'est un gros morceau. Là. Mm-hmm. Oui. Puis souvent, c'est jumelé à des menaces. Oui. Pour n'importe qui, se séparer, c'est difficile financièrement. Ben oui. C'est, on s'entend, oui. Dans nos jours d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile financièrement de vivre seul qu'à deux. Mm-hmm. Et là, vient, c'est ça, Chantal disait, hein, toutes ces formes-là sont jumelées ensemble. Ça devient un piège qui est extrêmement imbriqué. Donc, souvent, le conjoint va dire, si tu t'en vas, ben, je vais prouver que t'es pas une bonne mère, je vais te dénoncer à DPJ, je vais dire, je vais te laver, t'auras jamais une scène de moi, je vais me mettre sur l'aide sociale pour pas que t'aies de sous de moi. Puis Marie-Josée parlait du fait qu'elles ont eu souvent peu accès au tout ce qui est matériel dans le couple, mais l'inverse est aussi vrai. Dans le cas où elles se retrouvent avec des conjoints qui sont extrêmement endettés ou qui ont fraudé, par exemple, ben des fois, il y a des conjoints qui n'ont rien à leur nom et tout revient à la charge de madame. Et là, elles se retrouvent dans des situations où ça devient... Elle assume les dettes de monsieur. Oui, oui. Ben, elle est prise au piège, là, aussi, là, d'un autre côté. Fait que si elle s'en va, elle est prise avec toutes ses dettes à lui. C'est un gros enjeu, le volet économique. Oui. Ah oui. C'est un... Oui, et... Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Ben, tu sais, je veux dire, pour... Vu de l'extérieur, ouais. Je sais que vous êtes dans les maisons d'hébergement, il me semble ben, on n'en entend pas beaucoup parler. Mais pour certaines femmes, des fois, elles vont retourner. À cause de ça. À cause de l'argent. À cause de l'argent, de l'enjeu financier avec les enfants. Tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, là. Ou bien ça fragilise aussi, puis ça fait en sorte que, bon, OK, une femme va partir de l'hébergement, va aller dans une ressource, trouver un appartement, mais ça va être difficile économiquement. Donc, va rencontrer un homme, bon, quelques mois, bon, c'est sûr, comme Marie-Hélène disait, c'est plus facile à deux, donc va se retrouver encore dans une situation d'abus, de violence, puis le cercle continue de rouler. Je pense que ce qu'il faut mettre en lumière, encore une fois, c'est que c'est tellement imbriqué que elles ont pas nécessairement la capacité, pas juste financière, mais de se reprendre en main seules parce qu'elles sont démolies psychologiquement. Et voilà. Mais ça, j'aimerais ça aussi qu'on en parle, l'estime de soi. Je sais pas, peut-être Louison, au niveau de l'estime de soi, qu'est-ce qui... On dirait que c'est ces femmes-là qui sortent... premièrement, ça prend beaucoup de courage. On dirait que ça prend... faut être rendu quasiment là, au bout. Mais ils ont plus d'estime d'elles sorties de, quand ils sortent de là. Ben c'est sûr qu'on a parlé beaucoup de contrôle tantôt. Puis ça revient un petit peu à ça, je pense, de rabaisser la femme, de la dénigrer, passer des commentaires, mais dans le fond, c'est une joke, tu sais. Puis cette femme-là va venir avoir tellement plus d'estime d'elle-même qu'elle n'aura plus la capacité psychologique de s'en sortir. Elle croira même plus en ses propres capacités. Dire, ben, s'il dit que je suis grosse, puis que je suis pas belle, puis que je suis donc pas une bonne mère, peut-être que c'est vrai, dans le fond. Ce qui va rendre le départ encore plus difficile, là. Il y a juste moi qui t'aime. Mmh. Ouais. Puis l'estime de soi, c'est large, mais moi, je dirais que ça va bien au-delà de ça parce que souvent, ça affecte la santé mentale et physique des femmes. Ouais, hein? Quand on se fait constamment dénigrer, puis là, ça marche pas avec les enfants parce que les enfants sont stressés dans ce contexte-là aussi. On peur du père, mais l'admire en même temps. Les enfants vivent beaucoup de confusion aussi là-dedans. Donc, les femmes ont de la difficulté à reprendre le dessus parce que elles ont plus accès à leurs propres ressources. Mm-hmm. Ben, je viens d'entendre, justement, il y a juste moi qui t'aime. Ça se peut-tu aussi qu'on entende « pas personne va vouloir de toi » ? Ah, ben oui, sûrement. C'est on entend tout et son contraire. Des... Oui. Ah, oui, oui, on a... On entend les sons pour et les sons contre aussi. Donc, il y a juste moi qui t'aime, il y a personne qui va... Puis là, quand on affronte, après ça, c'est « personne va vouloir de toi ». C'est, on dirait que c'est toujours pour avoir, comme tu disais tantôt, toujours avoir le contrôle. Puis, tu sais, je vous dirais, quand on parle d'estime de soi, des femmes, de façon générale, je veux dire, on a encore beaucoup de travail à faire, nous, les femmes, là. Je veux dire, je pense qu'on peut toutes s'inclure là-dedans à faire en sorte qu'on ait une bonne estime de soi. Bon, au départ, donc c'est sûr que conjuguer un contexte de violence conjugale où tu te fais dénigrer dans ton rôle de mère, de travailleuse, d'épouse, parce que ça vient jouer à toutes ces sphères-là. Mm-hmm. Bon, mais tranquillement, et que tu n'as pas de feedback non plus parce que tu es rendu isolé. Donc, tu n'as pas un contre-discours pour un peu court-circuiter là, le discours du conjoint. Bien, tu l'achètes, ça, le discours de monsieur avec le cycle de la violence. Tu achètes les justifications du conjoint. Donc, c'est Puis comme Marie-Hélène disait, bien là, ça vient jouer sur la santé mentale, l'anxiété, etc. Bon, physiquement aussi, les femmes ont beaucoup de conséquences là, d'être dans une situation de violence conjugale. Mm-hmm. Donc, ça demande du courage pour se sortir de ce cercle-là. Louison, tu voulais ajouter? Oui, mais Marie-Josée, tu parlais, là, les femmes vont acheter ce discours-là, ils vont peut-être aussi acheter la paix pour prévenir un autre acte de violence psychologique, physique. Donc, ils vont acheter le discours de monsieur, ils vont dire « Oui, c'est correct, je vais accepter ce que tu me dis de faire, je vais me plier à tes besoins. » Oui, parce qu'ils sont en survie. Puis là, ils se retrouvent à faire ce que le conjoint veut, mais c'est jamais... À la hauteur. Non, parce que c'est jamais correct ce que tu fais. Comme je disais tantôt, ben, c'est tout et son contraire. Fait qu'à un moment donné, le conjoint dit « Ben, je veux blanc. » Ben là, tu donnes blanc. Là, il dit « Ben non, t'as pas compris, là. Je voulais gris. » C'est pas ce blanc-là, c'est gris, moi, mais là, je voulais gris. OK. Mm-hmm. Là, t'es plus sûr de qu'est-ce que tu avais compris. Qu'est-ce que t'as entendu, c'est ça. Fait que là, tu donnes gris, puis là, ben finalement, à un moment donné, les insultes... Ben, c'est le principe du manipulateur. Mm-hmm. C'est à la base, c'est une personne qui est manipulatrice. Il n'y a qui pas est... de violence sans manipulation. Ah, je suis sinon, d'accord. C'est important à dire. C'est un système là, qui tournerait à vide. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait de la manipulation, il faut qu'il y ait du contrôle. Sinon, si moi j'insulte Marie-Josée puis je la connais pas, ça n'aura pas d'impact. Ça n'a pas le même poids, là, ouais, effectivement. Puis ce qui est important de souligner, je pense aussi, dans la violence psychologique, c'est tout le non-verbal. Quand on est en relation avec quelqu'un, on a une relation qui est privilégiée. Un regard, un toucher particulier va prendre une signification différente quand nous, on le reçoit puis que ça peut pas être nécessairement accessible à quelqu'un. On se retrouve, par exemple, dans une soirée, notre conjoint nous regarde durement, ben, peut-être qu'il y a juste la conjointe qui va le voir, ça. Oui. On parle de manipulateur. Souvent aussi, dans les familles, est-ce que ça se peut qu'il soit perçu comme étant un bon Jack? Oh là là, souvent. Oui. Oh, qu'on entend. Donc, souvent. Ça c'est met... C'est des conjoints qui sauvent les apparences. Je pense que je vais mettre le doigt sur quelque chose. Le préjugé du gros rockeur enragé, pas fin, tu sais, ça peut arriver, mais souvent, là, c'est donc un bon gars. Ben voyons, puis je pensais pas qu'il était de même. Les femmes nous disent, moi, je me faisais dire par mes collègues de travail, mes amis, « Mon Dieu, t'es donc chanceuse d'avoir un homme attentionné comme ça. Il tire ta chaise. Il t'emmène des fleurs à tous les vendredis. » Ben oui, puis on a un bon moment. On n'est pas dans le geste de galanterie simple. On est dans le contrôle de la chaise qui est tirée. Quand est-ce que tu vas t'asseoir? Je t'ai offert ça, donc tu me dois en retour ça. Exactement. Ça, c'est important, Louison, ce que tu dis. Puis, je pense que, justement, ce que je veux amener aussi, c'est qu'il y a des filles, ils n'ont pas toutes des enfants aussi. Ça, ce n'est pas un prérequis, là. Mesdemoiselles, aussi, on l'a vu la semaine passée, ce qui est arrivé, une jeune fille de 18 ans, elle n'avait pas d'enfant, elle n'était pas, mariée, rien, là. Non, mais je... T'sais, en tout cas, je pense que une des choses que une des choses que je voulais mettre en lumière ce matin aussi, c'est l'impact de la jalousie et l'impact des médias sociaux. Oui. Ça, c'est nouveau pour moi, les médias sociaux. Moi, ça fait 15 ans, je suis en maison d'hébergement. Et tout l'impact des médias sociaux, le harcèlement qui peut se créer avec ça, les logiciels d'espionnage qui sont accessibles à 25 $ là, pour aller carrément infiltrer le cellulaire de quelqu'un, la tablette de quelqu'un. Nous, on a dû prendre des mesures en maison d'hébergement pour vérifier systématiquement ces, ces systèmes-là. Parce que nos adresses sont confidentielles, évidemment, mais on doit vérifier parce qu'avec les fameux GPS, les femmes sont souvent traquées, puis elles comprennent pas toujours parce que c'est pas nécessairement visible dans l'appareil cellulaire qu'on a un logiciel espion. Ça a changé. Fait que ça, Monsieur Pratt, qui a tué Daphné Boudreau la semaine dernière, a clairement mis ça en lumière. Il disait dans un de ses vidéos que je me suis... en tout cas, je les ai écoutés, là, pour me faire une idée. Il disait, ben, qu'est-ce que tu veux faire quand ta blonde te trompe? Fallait bien j'aille vérifier qu'est-ce qu'elle faisait sur Internet. Quand t'es rendu là, mon homme, t'as un problème, là. Puis je trouve qu'on responsabilise beaucoup les femmes aussi. C'est ça qui est difficile après d'aller chercher de l'aide parce qu'elles se remettent beaucoup en question à ce niveau-là quand on disait tu me dois ça. Mm-hmm. Et on va dire aux femmes, ouais, mais là, tu sais, s'il est si pas fin que ça que toi, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait qui le met en colère comme ça. C'est pas un problème de colère. Mais c'est un problème de comportement. C'est ça, ça revient au bon Jack parce que ce gars-là a été. Je veux pas parler nécessairement de cette cause-là là, qui commence à de Daphné Boudreau. Par contre, elle, je trouve que c'est important. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux de ses amis à lui qui le défendaient. C'est toujours le cas. Qui le défendaient. Donc, ça revient au bon Jack que je parlais tantôt, que même la famille, mais pas dans ce cas-là, mais même la famille peut le trouver bien gentil, mais ça sème un doute de plus dans la tête de la fille. C'est sûr, effectivement. Donc là, quand on parle de manipulation, quand on parle de violence psychologique qui est beaucoup plus sournoise, qui fait pas de bleu, la fille, est-ce que ça l'amène à être gênée de... Quand elle s'en rend compte, si elle s'en rend compte, est-ce que elle a honte de poser des questions et d'aller, d'appeler à des lignes pour dire, écoutez, je pense que je suis victime de violence conjugale. Ça se passe pas de même. Mais c'est parce que quand t'es toujours responsabilisé dans ta, bon, dans ton couple, on parlait du cycle, puis que monsieur justifie ses comportements de violence parce que, bon, t'es trop grosse, t'es pas assez cute, tu me donnes pas assez de sexe, t'es pas assez affectueuse, tu rapportes pas assez d'argent. Bon, ben, y en aurait toute une liste, là. Ouais. C'est qu'à un moment donné aussi, ben, comme je disais tout à l'heure, tu viens que tu penses que c'est toi le problème. Quand tu penses que c'est toi le problème, ben, tu te sens coupable, tu te sens responsable, t'as honte. Donc, c'est quelque chose de demander de l'aide, là, quand tu penses que c'est toi le problème. Parce que lui, monsieur, il ne se remet jamais en question. Et les femmes, elles, se remettent en question. Parce que quand on parle de violence conjugale, hein, on parle de répétition, on parle d'intention. Est-ce qu'on peut parler du cycle aussi, un petit peu, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que c'est? Il y a 4 phases dans le cycle. Ben, en fait, moi, ce que j'aurais à dire à ce propos-là aussi, puis on reviendra peut-être au cycle, c'est que il y a tout le contrôle qui s'exerce peu à peu. Il y a l'escalade aussi. Parce qu'il y a le cycle, les formes, les différentes étapes du cycle, bon, la tension, l'agression se répètent, mais la femme embarque beaucoup dans ce qu'on appelle la phase justification. Elle reste pas pour les agressions. Ça ferait aucun sens. Mais souvent, elle va rester parce qu'elle achète, en quelque part, les justifications de monsieur. C'est vrai que j'étais peut-être pas tout à fait à la bonne place au bon moment. C'est vrai que j'ai peut-être pas fait les choses de la façon qu'il voulait, puis que ça lui a déplu. Donc, ouais. on c'est tout ça aussi qu'on achète. Puis, tranquillement, l'escalade va s'installer. Et l'autre point que je tiens à souligner, c'est que dans notre langage commun, on dit « Ah, oh, il a perdu le contrôle, il a pété sa coche. » Non, la violence, c'est une prise de contrôle. Donc, si la violence verbale, psychologique ne fonctionne pas, la femme se défend, de un, elle se met plus en danger. Voilà. Et de deux, là, il va aller vers des formes plus radicales de violence. OK. Louisa, tu voulais ajouter? Excellent. J'ai perdu mon point, par exemple. Je peux continuer, si oui, il y avait Chantal. On parlait, c'est ça, de cycle qui revient. Moi, dans mon cas, c'est ça, je suis partie 3 fois. J'ai quitté ce monsieur-là 3 fois. Et les 2 premières fois, je l'ai fait par moi-même, mais je suis revenue, effectivement, parce que le bon gars que j'avais connu au départ est revenu. Il a repris contact. C'est la période lune de miel. Ah, là. La lune de miel, oui. Parce que oui. les quatre phases de ce que j'ai vu là, sur vos sites respectifs, puisqu'on peut voir aussi un peu partout, la première phase, il y a le climat de tension. La deuxième, l'explosion de la violence. Oui, l'agression. L'agression, en fait, que ce soit verbal, physique. La troisième, c'est la justification. Pourquoi? Le pourquoi du comment? Et après, c'est là où est-ce que les femmes s'accrochent, tu disais. Ouais. Et... après ça, il y a la lune de miel et ça recommence. Et des fois, il n'y en a plus de lune de miel. Ou est très courte, en tout cas. Là. Oui. Les justifications qui pognent beaucoup là, ces temps-ci, là, ils consomment. Donc, c'est parce qu'ils consomment qu'ils sont violents. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas tous les consommateurs qui sont violents. Là. Et il y a eu une enfance malheureuse. Lui aussi, il y a eu des problèmes. Donc, il y a de la difficulté à gérer sa colère. Je vais vous dire que si les femmes avaient ce type de comportement-là, il y aurait encore plus d'hommes victimes au Québec. Parce que les femmes, ils en ont eu de la misère aussi dans l'enfance. Exactement. On sait que les femmes sont majoritairement celles qui sont abusées sexuellement, physiquement. Donc... on peut pas vraiment penser que cette justification-là, quand on est dedans, c'est difficile, là, parce qu'on veut aider notre conjoint, on l'aime. Tu sais, souvent, un peu comme avec le suicide, les gens veulent pas nécessairement mourir, veulent arrêter de souffrir. Ben, c'est la même chose pour les femmes qui viennent en maison d'hébergement. Pour quelques-unes d'entre elles, c'est clair que c'est terminé, mais pour la majorité, elles aiment encore leur conjoint parce qu'il y a des bonnes parties en ces hommes-là. Mais elles veulent que la violence arrête parce qu'elles sont plus capables de fonctionner. On va prendre 2 minutes de pause et puis on va revenir. On va continuer justement sur les types. Puis aussi, j'aimerais qu'on aborde qu'est-ce qui est fait pour aider les femmes et pour sensibiliser autant les femmes que les hommes et les jeunes garçons aussi. On revient tout de suite. On est de retour à l'émission Les Différents, toujours Mélanie Fleurant avec la voix d'un jeune garçon qui change de voix pour avoir une voix d'homme. Et boy, ça a vraiment sorti. Je vous voyais de l'autre côté de la vitre. Aïe, aïe, aïe. Désolée, mais c'est vraiment Mélanie Fleurant qui vous parle. Cette semaine, on parle justement de violence conjugale, de violence faite aux femmes. On parlait avant la pause du cycle. On a parlé de ça. On a parlé de manipulation. Et là, tu m'as amené un sujet. Parce que, dans le fond, j'ai 4 invités. Je vais juste vous représenter. Il y a Marie-Hélène Arsenault, Chantal Brazo et Louison de la maison Marie Rollet, ainsi que Marie-Josée Morin de la Maison des femmes de Québec. Je voulais vous représenter. Marie-Hélène, tu disais pendant la pause que... on parlait de manipulation avant. Tu disais qu'il y avait une conscience. Il y a quelque chose. Il y a un point que tu m'as amené que j'étais pas au courant. Ben c'est parce que ça. Je te laisse expliquer. Oui, ça serait plus facile de concevoir qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait dans ce temps-là, qu'on a perdu le contrôle, comme je disais tantôt. Mais t'as bien souligné le fait que souvent c'est des gars qui ont des bonnes réputations, c'est des conjoints qui ont même une belle apparence, qui ont des bons travails, des bons salaires, c'est pas dans des milieux défavorisés ou des milieux nécessairement où il y a de la consommation. Voilà. Mais ça vient tout illustrer à quel point ces conjoints-là qui ont des comportements violents, c'est pas tous les conjoints là, mais ils ont conscience de ce qu'ils font. Parce que sinon ça serait partout tout le temps. Ça serait devant les gens, ça serait facile après ça d'aller en cours puis de le prouver, mais c'est difficile d'aller en cours parce que ça se passe dans le cadre du foyer conjugal, comme on dit. Ça se passe des fois même juste dans la chambre à coucher pour pas que les enfants entendent ou voient des choses. Donc, ça devient extrêmement difficile pour une femme de faire la part des choses parce qu'elle a aucune référence externe qui peut lui dire non, tu l'as pas provoqué tant que ça, là. Les hommes sont conscients, tu disais aussi, il y a une nouvelle forme que tu parlais. Est-ce que c'est les réseaux sociaux justement qui aident ça et Internet avec des femmes qui viennent de d'autres pays? Ben, c'est de là aussi la conscience de... Ils veulent pas se l'avouer, j'imagine, nécessairement, parce que c'est pas des monstres hein, dans leur tête, mais en même temps, ils vont chercher des femmes de cultures différentes, ben, c'est quoi? Qui parlent moins français? Ce qu'il faut dire, c'est que dans la violence conjugale, il y a une vision très stéréotypée aussi du rôle de l'homme et de la femme. Il y a des cultures dans le monde où ils sont un peu plus conservateurs, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de violence pour autant. Mais on va se retrouver avec des hommes, des fois, qui vont aller vers des femmes immigrantes parce que le contrôle est plus facile. Au niveau économique, par exemple, vulnérable. Ces femmes-là, oui, vulnérables. Ces femmes-là n'ont pas accès nécessairement à un bon travail. Ces femmes-là n'ont pas accès à un capital économique. Quand vous êtes parrainée par un conjoint violent, vous vous retrouvez dans une situation d'extrême vulnérabilité. Je vais donner un exemple très brièvement. Il y a quelques années, j'ai eu une jeune de la République dominicaine qui, son conjoint était pas mal plus vieux qu'elle, et il l'a acheté à ses parents. Carrément. Et il disait à la jeune, si tu me quittes, ben je vais prouver que tu as fraudé l'immigration parce que tu as changé ton passeport. Il avait changé le passeport en disant qu'elle avait 18 ans, mais elle était convaincue que c'était de sa faute. Fait qu'elle me disait en entrevue, qu'est-ce que je fais? Mes parents m'ont vendu, mais si je fais quelque chose, c'est je vais retourner dans mon pays, mais je suis pas mieux auprès de mes parents. Et était rendue avec deux enfants, avec monsieur, là, d'ailleurs. Fait qu'il se retrouve dans une situation encore plus piégeante, selon moi. Fait que, qu'est-ce que je disais dans la pause pour résumer, plus les écarts socio-économiques sont grands entre le conjoint et la conjointe, plus les impacts de la violence sont importants. Puis, absolument. Puis, je veux dire, quand une femme arrive ici, qui arrive du Mexique ou peu importe, qui ne parle pas le français, qui ne parle pas l'anglais, qui connaît pas les lois non plus. Donc, le conjoint a le beau jeu pour faire à croire n'importe quoi. Si tu fais telle affaire, je vais appeler la police. Tu vas retourner dans ton pays. Tu vas te faire enlever les enfants. C'est n'importe quoi. Donc, je veux dire... il y a la Maison des femmes immigrantes qui pourrait nous en parler aussi, mais je veux dire, comme Marie Rollet aussi, Maison des femmes, on accueille aussi des femmes immigrantes. Là, il y a pas, ça va vraiment selon les disponibilités de place. Donc, on est appelé à intervenir quand même régulièrement là auprès des de ces femmes-là. Puis, voilà. Déjà qu'il faut sensibiliser ici les femmes, tu sais, par rapport à la violence psychologique. Je veux dire, là, on est dans un autre registre à ce moment-là. Bien, je parlais de sensibilisation aussi avant la pause, puis je voulais vous amener là. Qu'est-ce qui est fait? Parce que là, on a vu avec les drames dans les nouvelles, même les ministres vont sortir. Bon, quand ils sortent, il y en a une certaine ministre qu'on n'a pas nécessairement vue. Oui. Bon, on ne se cachera pas que dans les dernières années, on est dans un contexte d'austérité. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on en parle. Il se passe rien. Il se passe de quoi quand il se passe de quoi? On en parle. C'est ça. Quand il se passe quelque chose, il y avait des discussions qui étaient censées se faire, je ne sais pas, dernièrement, il me semble. Ça fait le buzz le temps de la nouvelle. Au niveau prévention, on n'est pas les seuls. Là. Au niveau prévention, sensibilisation, depuis plusieurs années, il se fait pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment d'argent pour ça. On a de la difficulté à boucler les budgets annuels pour les maisons d'hébergement. Vous comprendrez que quand on arrive en maison d'hébergement en urgence, on n'a rien. On n'a rien. Il y a des femmes qui arrivent pas de souliers. Ça, j'ai vu ça. Là. Donc, on a besoin d'argent aussi pour pouvoir équiper ces femmes-là, juste leur permettre de vivre au quotidien. Héberger quelqu'un, là, ça veut dire le nourrir, le loger, les services d'intervention, ça coûte extrêmement cher. Ce que peut-être les gouvernements, puis je vais faire un peu de bashing, là, ils ont pas compris, c'est qu'effectivement, la sensibilisation, la prévention atténuerait probablement ces coûts-là. Moyen. Oui. C'est un aspect qui est quand même très important. T'sais, je parlais tout à l'heure, moi, que je suis partie 3 fois. Et la 3e fois, quand j'ai quitté, finalement, c'est une intervenante du CLSC avec qui j'étais en contact qui m'a dit « Hey, Chantal, il se passe des choses chez vous qui ont peut-être pas d'allure. » Puis je fais « Non. » Puis c'est à partir de là, moi, que j'ai pu être c'était mise quoi, en c'était contact. C'était la honte de dire « Non. » Tu le reconnais pas. C'est la honte ou c'est... OK, c'est ça. C'est parce que tu le reconnais pas. Juste pas, là. À travers tout le reste, mm-hmm. je veux dire, j'avais des problèmes personnels. Il y avait des situations personnelles qui étaient très demandantes, qui étaient très exigeantes côté autant temps qu'énergie. Donc, moi, j'avais pas le temps de voir que mon conjoint était problématique. Il était pris dans cette dynamique-là aussi. On avait beaucoup de choses à gérer. Mais de voir que le comportement qu'il avait était tout à fait inapproprié par rapport à moi. J'avais pas le temps de me rendre compte de ça. C'est vraiment elle qui venait occasionnellement, avec qui j'avais des contacts occasionnels, qui m'a allumé, qui m'a ouvert les yeux en disant « ça marche peut-être pas. Mm-hmm. Prends le temps d'aller voir quelqu'un. » Puis c'est à partir de là, effectivement, que moi, j'ai eu le contact avec la maison Marie-Relais. Puis que de là, on dit « attends un petit peu, assis-toi. » La belle grande liste là, qui te permet de voir, là, qu'est-ce qui se passe chez toi? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu te fais insulter? Est-ce que tu te fais voler de l'argent? Est-ce que il y a un paquet de questions comme ça? Puis à travers cette liste-là, ben moi, en tout cas, j'ai réalisé que tu dis non, la situation est pas optimale. Ce que je considérais normal dans ma relation amoureuse est tout à fait inapproprié. Je mm-hmm. n'ai pas à accepter ça. Mais comme on disait tout à l'heure, on revient à l'estime de soi puis à la difficulté de se reprendre en main puis de constater tout ça, là. En fait, le manipulateur manipule sa réalité. Louison, oui, tu voulais ajouter quelque chose à ce que Chantal disait? Mm-hmm. Oui, bien, elle parlait de la difficulté de partir. Je pense qu'il y a un aspect qui est quand même important, c'est que les femmes, ça va souvent arriver qu'ils sont pas crues quand ils vont dire « ben moi, j'ai peur de mon conjoint, je suis comme pas trop sûre, je pense que je vis peut-être de la violence ». L'entourage, des fois, les amis vont dire « Non, c'est un bon Jack », comme on disait. Donc, juste au niveau social, elles ne sont pas crues la plupart du temps. Ça donc, se passe souvent chez les autres, mais pas chez nos amis. Non, voyons. C'est ça. Tu peux pas lâcher une bombe dans la famille comme ça. Donc, souvent, on va refuser de voir cette réalité-là. Est-ce que ces amis-là aussi peuvent, j'imagine, dire « Ben là, tu vas casser ta famille s'il y a des enfants. » Quand il nous en reste, des amis. Effectivement. Ben, c'est parce ça. Parce que c'est ça aussi, tout fait le que là, jeu on veut pas parler nécessairement aux amis, parce que les seuls qui peuvent rester, peut-être, ça peut être ceux de monsieur. Mm-hmm. Puis même. Quand il y en a. Oui, puis même, des fois, dans la séparation, dans n'importe quelle séparation, on a eu des amis en commun. Et là, quand on se sépare, des fois, on se rend compte que nos amis, c'était peut-être plus l'ami de monsieur, finalement. Là. Et ça, les femmes tombent des nues, là, bien souvent, parce qu'elles considéraient certaines personnes très proches d'elles. Mais là, finalement, elle se sépare et c'est elle qu'on juge. Elle se retrouve toute seule. Exactement. Aussi. Il y a un grand ménage qui se fait ouais. pour, dans son réseau social et familial. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de sensibilisation, là, ouais. moi, je pense que ça commence dès le primaire, malheureusement. Ouais. À sensibiliser les petits gars et les petites filles à c'est quoi des rapports égalitaires, respectueux. Mm. Qu'est-ce que les parents aussi, parce que là, on s'entend qu'on parle de couples qui vivent des violences conjugales, mais à l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Ben, si je peux me permettre, il y a quand même un aspect beaucoup... Ça a peut-être l'air bizarre, là, non. parce que c'est les conjoints qui peuvent parler à leurs enfants... Mais peut-être qu'ils en vivent aussi, mais en tout cas, bon, je vous laisse régler ça. 50% des situations à peu près la violence intergénérationnelle, c'est à peu près 50%. Louison, t'allais ajouter? Ouais, ben c'est par rapport à la sensibilisation. Là, je parle de mon point de vue, bon, de jeune adulte. Je pense qu'il y a une grande importance à amener aux médias en général, à comment les relations hommes-femmes sont présentées dans les médias, à la télévision, dans les émissions de TV, dans les films. Souvent chez les jeunes, la jalousie, c'est une preuve d'amour, tu sais. Mais c'est complètement autre chose. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Absolument. Chez les adolescents, comme ça, chez les tout-petits. et les ados, là. Mm-hmm. Parce que c'est là que les relations amoureuses commencent. Ben oui. Je pense qu'au niveau... excusez-moi, je m'insère. Non, c'est correct. Dans la sensibilisation aussi, je pense qu'on peut aller travailler aussi au niveau des adultes. Moi, je me souviens dans mon cas où j'ai une voisine, quand elle a constaté ce qui se passait, quand je suis repassée à l'appartement accompagnée d'un policier pour récupérer certains effets et qu'elle a osé sortir sur le perron de son appartement à ce moment-là, elle m'a effectivement un peu pris de court en disant, je me disais bien qu'il y avait de quoi qui marchait pas, mais on s'en est pas mêlé, on n'était pas sûr. Mmh. Dans ce cas-là, je me dis, moi, mon message ce matin, ce que je veux passer. Prends ton temps, il n'y a aucun problème. Yeah, on sait tout le courage que ça te prend de venir parler à la radio, Chantal. Donc, ça fait 12 ans, là. Je tiens à souligner ça. Ça fait 12 ans que je connais Chantal, puis, tu sais, elle s'en sort très bien, là, mais ça laisse des traces à vie. Oui. Bon, effectivement. Prends ton temps pour le dire. On a le d'accord. temps. On va le prendre, en tout cas. Je trouve ça... on parle des médias sociaux. Je trouve ça important de revenir à la base de la communication. Cette voisine-là, je veux dire, j'aurais apprécié. Je fais pas de reproche, je veux dire, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Non, parce que c'est comme on dit tantôt, on n'a pas l'impression que ça peut arriver à côté de chez nous. Non, puis il faut faire très attention, tu sais, puis la voisine n'a peut-être pas intervenu parce qu'elle savait pas comment faire. Et c'est très délicat. Elle voulait pas s'en mêler, non, parce mais que... encore là, faut s'en mêler. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin? Mais oui, mais non. Oui, mais non? Oui, c'est parce qu'on peut mettre la femme en danger. OK. Si la voisine, elle serait intervenue, puis que l'homme, ton ex-conjoint, ça serait rendu compte, mais peut-être qu'elle aurait encore été victimisée par après, de façon plus grave, parce que ces conjoints-là, dans tout leur contrôle, ils veulent pas perdre la face, donc ils veulent pas être vus comme des agresseurs. Ben non. Ils sortent de leur zone de contrôle. Parce qu'ils se sentent justifiés d'agresser leur femme comme ça. J'ai une question. Celles qui retournent. Oui. Oui. Ces femmes-là sont souvent vues comme étant, ben, elle doit aimer ça. Oui. Ben, je ne veux pas vous changement. Faire réagir pour vous faire réagir, mais je veux comprendre, puis je veux qu'on fasse comprendre pourquoi souvent ces femmes-là retournent. On a parlé de la manipulation, je commence à comprendre que peut-être qu'il y avait ça aussi, puis parce l'estime de soi, mais vous entendre. Il y a là-dessus. Des promesses de changement, il y a des promesses de thérapie, ou il y a des menaces de suicide. Ou des menaces de familicide, à emporter tout le monde là-dedans. Si t'es pas avec moi, ben tu seras jamais avec personne. Donc il y a à la fois des menaces, à la fois des promesses, puis des fois ben c'est l'homme change d'otage. Littéralement. Psychologiquement, oui. Et des fois, on voit les efforts de changement parce qu'on veut que ça aille bien avec notre couple. On n'a pas fait des enfants pour se séparer, par exemple. Surtout quand t'as des enfants. Ben, le piège est tellement plus grand. Oui, ah oui, absolument. Moi, ça avait été un des aspects difficiles, là, vraiment. J'ai eu ma fille avec ce conjoint-là après mon deuxième retour. Et la troisième séparation, c'était vraiment la crève-cœur de dire j'ai conçu une famille, j'ai une enfant avec cet homme-là, puis consciemment, moi, je vais décider de casser cette famille-là. Je veux dire, il a beau me taper sur la gueule, me voler de l'argent, prendre de la drogue, tout ça, c'est quand même moi qui consciemment prends la décision de partir et de tout faire péter ça. Socialement, là, c'est t'as moi le mauvais qui rôle, crisse là. Mon camp. T'as le mauvais rôle. Oui, c'est sûr. Puis, t'as changé complètement ton capot de bord parce qu'avant, tu te sentais responsable de faire fonctionner cette dynamique-là, cette famille-là. Fait que c'est un revirement. Fait que c'est une raison de plus pour traiter la femme de folle. Oui. Mais toutes les raisons sont bonnes. Non, mais c'est vrai. C'est souvent ce qu'on peut entendre aussi. Ah, c'est une folle, elle est partie. Tu vois, ben c'est pas moi. Ou c'est une folle parce qu'elle c'est pas moi le problème. Tu sais, dans le fond, des fois, socialement parlant, on reproduit la même dynamique qu'on fait au niveau conjugal. Elle est folle de rester ou elle est folle de partir? Ben là. Elle est folle de revenir. Oui, oui. C'est quoi la bonne réponse? Tu sais? Fait que ces femmes-là se sentent extrêmement paralysées. Il reste quelques minutes à l'émission, déjà. Déjà, oui. Oh, mais je vais vous recevoir. Il faut que tu nous réinvites. Oui, oui, parce qu'une heure, c'est pas assez. Une heure, c'est pas assez pour sensibiliser puis pour faire entendre des histoires, pour faire entendre aussi ce qu'ils vivent. Moi, je voudrais savoir, quand on va à la maison Marie Relais ou à la Maison des femmes de Québec, comment on y va? Comment on... Premièrement, c'est quoi la première étape? Parce qu'on sait que l'adresse, oubliez ça, on ne sait pas c'est où, on peut passer devant, puis on ne saura même pas que c'est effectivement. Là. Effectivement. La porte d'entrée. Comment ça fonctionne pour le premier appel? Est-ce qu'on fonctionne par appel? J'imagine oui. Bien, je veux dire, ça fonctionne effectivement, puis pour Marie Relais, puis pour l'ensemble des maisons aussi, c'est l'appel téléphonique. Donc, par la femme elle-même qui fait des recherches et qui trouve notre numéro de téléphone. Il y a la ligne aussi qui est super importante, SOS Violence Conjugale, le 1-800. Donc, 1-800-SOS. 363. En tout cas, je ne l'ai jamais par cœur. Moi non plus. Je vais mettre les liens sur la page. Effectivement. Et des fois, c'est par l'entremise aussi des policiers qui nous appellent, un intervenant de l'hôpital, CLSC ou d'un autre organisme. Là. Mm-hmm. Donc, et puis, à ce moment-là, nous, on parle avec la femme. On regarde aussi s'il y a une situation de violence conjugale, si c'est la première chose. Et si elle n'est pas sûre, elle peut appeler pareil? Oui. Pas peur de déranger. Non, il y a le service d'écoute. Là, elle peut appeler anonymement. Oui. Il faut comprendre qu'elles ne sont pas obligées non plus de porter plainte. Elles ne sont pas obligées de se séparer. C'est un endroit de réflexion. Un endroit pour se recentrer sur soi. Sécuritaire, chercher de l'information. Aussi. Oui. Et que ça fait beaucoup de sens pour les femmes. Chercher de l'information sur leurs droits. Sur les démarches qu'elles veulent faire et la sensibilisation à la violence conjugale. Chantal, t'as l'ajouté. Effectivement. Ce que je voulais mentionner, c'est ça, c'est que on peut faire des appels aux maisons d'hébergement. C'est ça, on parle de la maison Marie Relais ce matin, la maison des femmes. Vous pouvez faire des appels aux maisons. Les intervenantes sont toujours prêtes à vous écouter. Ce n'est pas une obligation. On peut téléphoner, jaser. Moi, je me souviens d'un premier contact, même avec Marie-Hélène, où j'ai appelé plus en exploration en disant « On m'a parlé de vous, qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche? Est-ce que j'ai besoin de vous? Je le sais pas. » Puis je suis pas allée tout de suite. Puis effectivement, j'ai rappelé, puis quand j'ai appelé, une question de logistique, moi je pouvais, on me disait « On t'accueille. » Quand tu es prête, je suis 24 heures sur 24. Oui, c'est comme un hôpital. Là. Oui. Un 24-7. Oui, bien, il y a un peu de ce que tu mentionnais, que la beauté de l'intervention, la beauté de venir dans une maison d'hébergement, c'est que les femmes ont le choix. Si elles ne sont pas prêtes à en parler, si elles ne sont pas prêtes à quitter leur conjoint, on y va à leur rythme, puis on travaille ce qu'elles ont envie de travailler. Okay. Il y a une femme qui peut arriver dans la pire situation de violence, reçoit des coups quotidiennement, puis elle dit « moi, je ne veux pas en parler ». Puis c'est correct, on s'occupe de ce qu'elle a besoin, parce que dans sa relation de violence conjugale, elle perd ce droit-là, elle est sous le contrôle de son conjoint. Donc, de redonner ce pouvoir-là aux femmes de eux-mêmes décider qu'est-ce qu'elles veulent travailler, c'est quoi les démarches, c'est quoi leurs besoins les plus pressants maintenant. À leur rythme. Je voudrais insister aussi sur le fait que oui, il y a de l'écoute téléphonique, il y a de l'hébergement, mais il y a les services à l'externe aussi. Nous, la Maison des femmes, Marie Relais, Maison des femmes immigrantes, Maison du cœur, on est 4 maisons qui offrent les services à l'externe aussi pour les femmes qui ne veulent pas être hébergées. Ou peut-être que ça peut se solder par ça, mais ça aussi, il y a ce service-là et c'est très rapide. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le sujet avec les femmes, qu'elles puissent en parler en toute confiance et d'amener en toute confidentialité. Vraiment. C'est très difficile de parler de sa vie intime avec quelqu'un qu'on connaît pas. Moi, je lève le chapeau aux femmes qui osent le faire, mais c'est un cadeau. Y a-t-il une liste? Tantôt, je vous entendais parler de la liste, là. Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous vivez, admettons, de la manipulation? Est-ce que vous... pas de la manipulation, mais des injures, des ci, des ça. Est-ce qu'il y a une liste sur vos sites Internet qui existe de ça? Faudrait vérifier. Parce que c'est la chose qu'on peut mettre. Ça serait... OK. Mais, puis aussi, j'aimerais insister sur le fait que si quelqu'un entend et qu'il va voir sur votre site, que ce soit la Maison Marie Relais ou la Maison des femmes, il y a un bouton pour sortir vite du site sans qu'il y ait de traces. Oui, camoufler les traces, c'est important aussi. Donc, n'ayez pas peur pour l'historique. Personne ne va pouvoir le voir, justement. C'est vrai. Puis aussi, on peut appeler, même si on est témoin ou on pense qu'une amie va vivre la violence conjugale. On peut le faire. On peut appeler et dire, moi, je m'inquiète, je suis pas trop sûre, qu'est-ce que je dois faire? C'est possible aussi là, de venir chercher une écoute à ce niveau-là. C'est une belle précision. Oui, parce que ça arrive de plus en plus. Surtout quand il y a des drames là, comme la semaine dernière, ben les gens sont extrêmement choqués. Mm-hmm. Et souvent se disent, ben peut-être que mon ami, finalement, peut-être que telle personne que je connais vit de la violence. Mm-hmm. Puis je me sentirais mal de rien faire. Donc, comme personne témoin, ben oui, c'est important de se ressourcer nous-mêmes aussi. Mm-hmm. Pour pas mettre la femme en danger, comme je disais tantôt, mais l'aider là-dedans. On veut aider si on est vraiment témoin, puis on est ouvert à ça, tu sais, qu'on voit vraiment, on veut aider, mais on veut pas la mettre dans le trouble en plus, non. Là. Mm-hmm. Non, absolument. Mesdames, merci beaucoup. On est déjà rendu à la fin. Ben, ça fait plaisir. Merci. Merci de nous recevoir. J'aimerais vous remercier Marie-Hélène Arsenault, Chantal Brazeau, Louison, que j'ai pas ton nom de famille encore. Thériault. La maison Marie Rollet, Marie-Josée Morin de la Maison des femmes de Québec. Mesdames, merci beaucoup. Chantal, merci. Merci à toi. T'es mon modèle aujourd'hui. Je vais te prendre comme modèle. Bon. Oui, c'est notre merci. Modèle. Mais juste aujourd'hui, t'es un modèle. Merci beaucoup de prendre parole. Puis merci de nous l'avoir donné. Ben, ça me fait plaisir. C'est important. Oui. Oui, c'est un sujet qui me touche énormément. À une prochaine, puis je vous réinvite. Merci. Merci beaucoup. Pour nous, c'est déjà terminé, mais j'aimerais aussi remercier Barbara Marcoux, qui est coordonnatrice de la Maison des femmes, et qui m'a donné un coup de main et qui m'a permis, justement, d'avoir ces quatre dames des avoirs autour de la table. Elle a fait un travail colossal. Elle m'a donné un coup de main comme ça se peut pas. Elle a dit, je vais t'aider, on va en parler. Parfait. Merci beaucoup, Barbara Marcoux.